En cette période de l'année, vous pensez certainement à vos REER et il est très important de préparer votre retraite. Cette année pour vos REER, contactez Monsieur Jacqueline Doucet, conseiller en sécurité financière, planificateur financier auprès du service financier Jacqueline Doucet et représentant en épargne collective rattaché à Mika Capital, dont les bureaux sont situés au 1230 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini. Les placements, c'est du sérieux. Vous devez toujours faire affaire avec les gens qui connaissent le milieu et qui sont des spécialistes dans le domaine. Monsieur Jacqueline Doucet vous donnera de judicieux conseils pour que vous profitiez de bons placements. N'attendez pas à la dernière minute. Contactez M. Jacqueline Doucet au 418-276-6170. 276-6170. C'était la date limite des échanges dans la Ligue nationale de hockey aujourd'hui. On va parler avec notre collaborateur Marc Fortier. Salut Marc. Salut Danny. Marc, évidemment, si on parlait un peu du Canadien, moi je ne m'attendais pas à grand-chose. La seule affaire que je m'attendais, puis c'est Charles Hudon passe, comme je l'ai écrit ce matin sur les médias sociaux, qui passe pour un choix de quatrième ronde, genre, quelque chose de même. On n'aurait pas été surpris, mettons, d'apprendre ça. Hein? Ouais, c'est sûr et certain que Charles là, semble plus avoir de place chez le Canadien pour lui. C'était quand même un choix de cinquième ronde. Ça, au pire, tu récupères un choix de cinquième ronde, ça aurait pu être quelque chose de possible. On est surpris. On a vu que le Canadien n'a quand même pas bougé ben. Ils ont décidé d'y aller le statu quo. Mais j'ai quand même aimé certaines transactions qui ont été effectuées aujourd'hui, Danny. Puis moi, je trouve que ça va être intéressant. Là, j'ai adoré les moves que les décisions que Boston ont prises. Ils sont quand même allés chercher Charlie Cord, qui est un excellent joueur, ouais. Et Johansson, qui est un gars qui va amener une bonne aide là, pour les Bruins. Alors moi je trouve que ça c'était très intéressant. J'ai adoré Nashville avec Granlund et Simmons. Là, je vais dire une chose, ils viennent vraiment d'améliorer leur équipe, spécialement sur l'avantage numérique qui est un peu en dentiste là à Nashville depuis quelques temps. T'amènes un Granlund qui est un passeur exceptionnel, qui a une vision de jeu au-delà de la moyenne, puis t'amènes un Simmons quand même qui va aller devant le but, qui va aller se positionner là, prendre les retours. Alors, je trouve que Boston et Nashville ont fait quand même de bonnes transactions. Écoute, comment Boston et Nashville, et à quelque part aussi... Mais tu sais, c'est bien beau de dire tout ça, mais comment la chimie va se faire? Hein? Tu sais, je pense à un gars comme Las Vegas qui sont allés chercher quand même Mark Stone cette semaine. Je veux pas dire que ça va se faire, mais rappelle-toi, Thomas Tatar l'année passée, ils ont donné un choix de première ronde, deuxième et troisième ronde, et par la suite, ils ont rien... et par la suite, ben, il n'a même pas joué en fin de série. T'sais, ça n'a pas trop de la chimie. Quand même, hein? Oui, mais tu ne t'empêcheras pas de faire une transaction parce que tu ne sais pas si la chimie va marcher ou pas. Ou ce qu'on pourrait se demander si la chimie va être là, c'est justement une équipe comme Columbus qui ont quand même été très, très actifs. Mais tu sais, Duchesne, c'est un gars que on n'entend pas nécessairement parler comme lui, comme étant le meilleur joueur d'équipe qu'il y a dans la Ligue nationale présentement. Est-ce que lui, il va devenir une attraction négative dans le vestiaire de Columbus? Mais, tu sais, ils ont quand même rajouté McQuaid, qui est un excellent joueur, un excellent défenseur. Kincaid, qui va les aider. Zwingel, c'est quand même un joueur intéressant, là, un joueur qui peut apporter beaucoup à Columbus. Alors, avec l'ajout de Duchesne, si, comme on dit, si la sauce appogne, eux autres aussi peuvent devenir une équipe intéressante. Tu penses quoi des Sénateurs? Mark Stone est échangé, Matt Shane est échangé également. À quelque part, quand je regarde à la fin, là, ça risque de donner Matt Shane contre Jack Hughes. Si Jack Hughes devient le joueur intéressant, ben, quelque part, qu'on dit, je pense que ça va suivre Pierre Thorion pour le restant. Tu es d'accord avec moi? Ah oui, on dirait que j'ai comme le feeling qu'Ottawa s'en va directement dans le mur. Là. Ils ont quand même ramassé Brandstrom, qui est un excellent défenseur, là. Mais tu sais, je sais pas. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas eu grand-chose pour Stone à l'heure qu'on se parle là. Peut-être que le futur va nous dire le contraire. Mais à première vue, là, quand même, plus Stone, en plus, qui signe un nouveau contrat de 8 ans, 72 millions, 9 millions par année avec Vegas. Alors, c'est sûr et certain que pour eux, c'est une excellente transaction. Il va apporter une profondeur à l'attaque qui est quand même assez redoutable présentement, même si peut-être que Las Vegas ne joue pas à la hauteur des attentes par rapport à la saison de l'année passée. Mais c'est sûr que ça peut être bénéfique, ça. Un Pacioretty, là, qui, on semble dire qu'il y a une saison ordinaire, mais il y a quand même, je sais pas, peut-être 16, 17, 18 buts, quand même, depuis le début de la saison. Rajouter un Stone à l'offensive de Vegas peut être grandement bénéfique, là, à cette équipe-là. Alors, c'est sûr et certain que l'avenir va nous dire, mais présentement, on semble penser que Vegas va avoir l'avantage. Es-tu surpris que le Boston a bougé pas mal? Es-tu surpris que Toronto rien fait? Ils l'ont fait il y a quelques semaines, par exemple, là, avec le défenseur des Kings de Los Angeles, mais que Tampa Bay n'a pas fait non plus? Ouais, mais tu sais, Tampa, hein, eux autres, tu peux dire, hey, on veut vraiment pas briser la chimie qu'on a. Eux autres, ils ont une bonne raison de pas faire de transaction parce que quand même, ils sont rendus déjà à 100 points au classement général. Mm. C'est une équipe qui est égale. Ils sont plus 81, je pense, dans les buts pour. La machine est bien huilée. J'aime leur gardien qui fait la job quand même. Quand même bons défenseurs, une attaque redoutable. Eux autres, c'est une bonne raison de peut-être vouloir dire hey, pourquoi on irait risquer d'amener quelqu'un qui va peut-être briser cette chimie-là qu'on a là présentement. Alors, c'était une sage décision de leur part. Winnipeg avec Hayes, ils vont être à checker, Danny, parce que ils sont gros, mais leurs gros joueurs sont talentueux. Ils sont très, très talentueux, ces gars. Ils sont rendus avec quatre joueurs là, au-dessus de 6 pieds 5, 6 pieds 6, mais c'est tous des bons joueurs. Cet ajout-là de Ace, ça peut quand même devenir intéressant pour Winnipeg. Et c'est pour ça qu'on a vu peut-être Nashville réagir, parce que ils risquent de s'affronter assez rapidement dans les séries, ces équipes-là. Alors, c'est sûr et certain qu'on veut se préparer justement à affronter de grosses équipes comme Winnipeg. Quand, Marc, tu l'as vécu, tu étais directeur, il vient d'en tomber une autre à le moment où on se parle, mon téléphone vient de sonner. Marc, c'est un joueur... Beaulieu, c'est Beaulieu. Oui, c'est Nathan Beaulieu, c'est exactement tu viens exactement de voir ça aussi. Qui passe des Sabres de Buffalo justement au Jets de Winnipeg. Mais dans le cas de Nathan Beaulieu, écoute, si t'es pas capable de percer les Sabres de Buffalo là, à Winnipeg, tu vas être un réserviste puis c'est tout, hein? Probablement, tu sais, mais eux autres, ils pensaient peut-être qu'ils avaient besoin d'un sixième défenseur septième défenseur. Tu sais, ça peut les aider. Alors, toute transaction peut être bonne, c'est selon les besoins des équipes. Alors, c'est pas nécessairement tout le temps des joueurs de premier plan qui peuvent être intéressants pour une équipe, et peut-être que là, l'avenue justement de Beaulieu peut être intéressante pour leur équipe. Là. OK. Marc, tu l'as vécu, là, directeur général, c'est un peu la même affaire aussi, un peu le même principe. C'est sûr que tu n'as pas le plafond salarial à jauger, mais plus le temps passe, généralement, plus les enchères baissent. Hein? C'est-tu le même que ça marche aussi? Ça dépend, t'as bien raison. Ce qu'on disait, c'est que Bergevin, ce que je disais ce matin sur Twitter, c'est que Bergevin est intéressé à Wayne Simon, mais il attendait que le prix baisse. Ben, l'affaire qui arrive, Danny, là, c'est tant aussi longtemps que le facteur temps ne rentre pas dans les négociations, c'est sûr et certain qu'une équipe va demander la lune pour un joueur. Qu'est-ce que je te dis, c'est que nous autres, maintenant, dans le junior majeur, les transactions commencent, on donne des chiffres, commencent le 20 décembre et se finissent le 5 janvier. Ouais. C'est sûr que le 20 décembre, là, tu vas à pêche. Tu vas à pêche, puis tu essaies de demander le plus possible pour ton joueur. Des fois qu'il y a quelqu'un qui serait prêt à payer ce prix-là. Alors, c'est sûr et certain que les enchères sont hautes quand que tu commences tes transactions, mais si tu arrives après ça dans la dernière heure, puis que là, tu as une seule équipe qui est encore en compétition pour avoir un joueur, bien là, c'est sûr que le prix peut descendre. Sauf que si tu arrives, il reste une heure, puis il y a quatre équipes qui t'appellent pour avoir ton joueur, là, tu vas faire la surenchère, puis là, tu te sers justement des informations que tu as de dire, regarde, dans les trois autres équipes, il y a une équipe qui me donne ça, toi, peux-tu me donner mieux, tu comprends-tu? Là, il y a une négociation, puis là, ton prix peut monter parce que tu as un enchère et que le facteur temps est rendu un élément important dans la transaction. Mais si tu arrives, comme je te l'ai dit encore, si tu arrives après ça, il te reste une heure, une demi-heure, puis tu n'as pas d'équipe ou tu as une équipe qui ont de l'intérêt pour ton joueur, puis toi, tu veux t'en débarrasser, mais là, c'est sûr que tu vas peut-être être plus apte à baisser tes demandes pour justement que tu puisses conclure ta transaction. Alors, c'est un couteau à deux tranchants d'attendre. Des fois, tu peux te ramasser, comme on dit, les fesses à l'eau parce que tu as voulu être trop gourmand, puis que pendant ce temps-là, ben les équipes qui avaient de l'intérêt sont virées de bord envers d'autres cibles qu'il y avait. Puis là, tu vas perdre ton deal. Mais d'un autre côté, si tu réussis à créer des enchères, ben ça devient intéressant. OK, OK. Marc, tu t'attends à quoi pour le reste de la saison? Ben écoute, si on regarde ça, Dani, les équipes qui sont en... Les équipes qui ont été surtout actives, quand tu regardes ça, c'est les équipes qui sont juste en arrière d'une place d'une série ou que... tu sais, là, on a regardé un exemple, là, Pittsburgh, là, avec la blessure, ils ont perdu deux défenseurs dans les games. Alors, ils sont allés chercher Gudbranson à Vancouver pour un peu stabiliser leur défensive. Saint-Louis sont allés chercher Del Zotto, puis ils connaissent déjà beaucoup de succès, mais tu sais, ils ont voulu se donner un peu plus de profondeur. Alors, tu sais, ça va être intéressant jusqu'à la fin de la saison parce que il n'y a pas personne à part peut-être de Tampa Bay là, qu'on peut dire qu'ils sont tout seuls là, dans leur classement là. Mais toutes les autres équipes peuvent avoir des chances d'être dans les séries ou de ne pas être dans les séries. Alors ça devient intéressant jusqu'à la fin de la saison. J'ai hâte de voir le Canadien. Marc, c'est sûr et certain que si le Canadien vient qu'à manquer les séries, il va se faire peut-être pointer du doigt pour son manque d'activité pendant la période de transaction. C'est pas marqué, mais... Parce que moi, écoute, même s'il reste... Ben c'est écoute, on peut pas être... Je regarde ça, ce que tu me dis là, c'est vrai, mais par contre, faut-tu être sévère? Hey, le gars, là... écoute, je regarde ça, moi j'en étais un dessus, puis Marc, l'année passée, t'étais à la même affaire, on se parlait, puis... Mais forcé d'admettre qu'il avait raison, le mot t'as dit, sur certaines affaires, là. Le gars, écoute, en un an, il a viré ça de bord assez vite, là. On disait qu'il n'y avait rien dans les mineurs. Là, maintenant, il est rendu... Les deux derniers repêchages sont excellents. Il y a beaucoup d'argent de disponible sur le plafond salarial. Je vais te dire en affaire, le gars, quand il parlait d'attitude, on regarde que il n'y avait pas tort, dans le fond, parce que cette équipe-là est complètement différente à l'année passée. Il y a beaucoup moins de passagers à bord. Forcé d'admettre, je ne sais pas si on fout le plombé, Bergevin. Ben, moi, je trouve que t'as 100% raison, Danny, mais sais-tu quoi? C'est ça, la réalité du Canadien de Montréal. À Montréal, c'est ça. L'année passée, l'équipe allait tellement mal que là, les gens disaient, « Hey, s'ils pourraient au moins juste nous donner un bon rendement sur la glace, avoir des joueurs combatifs qui ont l'équipe à cœur puis qui veulent se battre à chaque soir pour gagner, on serait content puis on se contentera de ça. » C'est ça qu'on disait l'année passée, Danny, là. Mais là, le Canadien, ils ont fait exactement ça. Sont devenus compétitifs, ils ont une équipe qui se bat tous les soirs pour gagner des matchs, puis là, en plus, ils ont du succès. Alors là, qu'est-ce que les gens font? C'est que, ouais, mais là, regarde, on est rendu avec une bonne équipe, il aurait dû faire de quoi pour encore... Tu comprends-tu? Alors, avec le Canadien, puis c'est peut-être normal, mais plus que tu en fais, plus qu'ils t'en demandent, et plus qu'ils deviennent exigeants, alors tu es toujours dans une situation perdante, parce que... On n'est plus dans le temps des six équipes, là. On est rendu à 31 équipes. T'as raison, mais comme je t'ai dit, c'est ça Montréal. Il faut changer la mentalité à Montréal. Là. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord que... Hey, écoute, là, Marc, je pense qu'il a fait tout un travail depuis l'année passée pour remettre l'équipe sur la bonne track. Mais les gens, ils oublient ça. Puis si, mettons, ils viennent qu'à échouer d'ici la fin de la saison, ben, on va ramener certaines choses qu'il a faites ou qu'il n'a pas faites. Ça fait partie de la game, ça fait partie d'être un DG avec la Canadienne de Montréal. Ouais. C'est que les gens sont très exigeants, les gens n'ont aucune patience, puis ils veulent avoir des résultats, parce que c'est l'équipe c'est une dynastie à Montréal et c'est la mentalité qu'on a. Effectivement. Marc, très intéressant comme toujours, on s'en parle bientôt. Ça fait plaisir, Daniel. Collaborateur Marc Bergevin.